Aristote, Irène Joliot-Curie, Jules César, Norbert Zongo, Chef Pontiac, Sabia Goksen, Platon, Alexandre Souvorov, Anne Frank, Jacha Radeau, Charles de Gaulle, Napoléon Bonaparte, Pacha Coutec, Razia Aldin, Nelson Mandela, Elisabeth II, Antonio Lopez de Santa Anna, Indira Gandhi, Joseph Staline, Winston Churchill, Joaquin Marquez Lisboa, Marie Curie, Benjamin Franklin, Karl Marx, Anne Boleyn, George Washington, Kamehameha, Jeanne d'Arc, Abraham Lincoln, Karl von Clausewitz, Angelica, Nicolas Machiavel. L'instant biographie de Léviathan. Partons à la découverte de grands personnages. Anne Boleyn. Je veux aujourd'hui vous parler d'Anne Boleyn, un personnage qui me fascine depuis un très grand nombre d'années. Et je considère qu'à son niveau, elle a une grande influence dans l'histoire de l'Angleterre, et donc aussi de l'Europe. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'Henri VIII, le roi anglais qui a eu 6 femmes et qui l'ont quasiment toutes très mal fini? Alors, pour faire un résumé rapide, sa première femme, rien ne lui arrivait en soi, mis à part probablement avoir été la première reine à finir divorcée en Europe, mais on y reviendra plus tard. Sa deuxième femme a eu la tête coupée, la troisième est morte pendant l'accouchement, la quatrième, en fait, il n'a juste vraiment pas aimé, donc il l'a divorcée aussi. La cinquième a eu sa tête coupée, et la sixième, ça a été compliqué à des moments, mais finalement, elle a survécu, puisque Henri VIII est mort avant elle. Ici, je vais donc vous parler de sa deuxième femme, et du coup, je vous ai déjà spoilé la fin. En fait, sa première femme était Catherine d'Aragon, fille du roi d'Espagne Ferdinand II, et donc extrêmement catholique, et qui avait été mariée au frère aîné d'Henri VIII, qui est décédé entre-temps. Henri VIII et Catherine d'Aragon avaient donc 6 ans d'écart, elle étant plus âgée. Et au bout de 17 ans de mariage, en 1526, le roi n'avait toujours pas de fils légitime, n'ayant pour enfant qu'une fille, Marie. C'est probablement cette même année qu'Henri VIII remarqua Anne Boleyn à la cour. Elle était anglaise, mais ayant vécu son adolescence à la cour de François Ier, elle avait toutes les manières et vertus d'une dame de cour française. De plus, elle y a appris le français et l'italien, ce qui faisait d'elle une femme distinguée. C'est ainsi que débuta une lutte qui a duré 6 ans et qui a transformé l'Angleterre. Une lutte pour un divorce et un nouveau mariage. Anne Boleyn a été la première femme en Europe à ne pas être simplement une nouvelle maîtresse du roi, mais à devenir reine. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? En fait, en 1526, Catherine d'Aragon avait atteint ses 41 ans, donc ça commençait à être compliqué pour avoir des enfants. Puis malgré le fait que la faute soit toujours rejetée sur la femme à l'époque de ne pas pouvoir avoir d'enfants, pour le coup, Henri Tudor savait pouvoir en avoir et pouvoir avoir des fils notamment, puisqu'il avait des maîtresses et il a notamment eu comme fils Henri Fitzroy, qui a été un fils illégitime mais reconnu par le roi. Il est écrit dans la Bible, dans Lévitique 20-21, et je cite... Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront donc sans enfant. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? En fait, Catherine avait juré devant Dieu, avant et après le mariage, que son mariage avec Arthur, donc le frère aîné du roi, n'avait pas été consommé. Cependant, Henri était persuadé que le problème était religieux et que Dieu le punissait. Il faut donc tenir en compte que... la principale base de l'idée du divorce venait de là, du fait qu'il n'arrive pas à avoir de fils légitime et qu'il était persuadé que Dieu le punissait. Et ça, c'est venu un peu avant Anne Boleyn, mais les choses se sont passées quand même à peu près en même temps. Parce qu'en fait, parallèlement, il commençait à tomber amoureux d'Anne Boleyn, qui elle refusait d'être sa maîtresse. Donc en fait, petit à petit, il a vraiment voulu de plus en plus pousser pour l'annulation du mariage, sur base qu'elle s'était mariée avec la femme de son frère et que leur mariage avait en réalité été consommé. Son manque d'héritier en était la preuve après tout. Il faut aussi tenir en compte qu'à ce moment-là en Europe, la situation au niveau religieux était un peu compliquée et Anne Boleyn était secrètement réformiste. Donc, quand le Vatican a commencé à s'opposer à l'idée de l'annulation du mariage, Anne a probablement présenté au roi la Bible de William Tyndale. C'est un auteur qui s'est inspiré du livre de Martin Luther pour traduire, depuis des textes anciens grecs, le Nouveau Testament et d'autres parties de la Bible. Et c'était un livre clairement antipapal. C'est aussi possible qu'elle ait présenté au roi un livre anticlérical qui a été écrit par Simon Fish. Et ces textes étaient vus comme hérétiques puisque l'Église était totalement mise à l'écart. L'idée principale que le roi en a tirée, c'est que les rois étaient des représentants directs de Dieu sur terre. Et la relation avec Anne, c'est que Anne y croyait profondément à ses idées. Donc c'est possible qu'elle, en tant que femme distinguée, intelligente selon les dires de l'époque, ait aussi eu beaucoup de discussions à cet égard avec le roi. Donc on peut considérer que de cette façon, Anne Boleyn, avec évidemment l'aide d'autres personnes dans l'entourage d'Henri VIII, qui étaient eux aussi réformistes, et puis évidemment probablement aussi très influencée par sa famille, Anne Boleyn, mais c'est ainsi qu'un début de réforme protestante a été lancé en Angleterre. Selon l'historien Paul Friedman, et je cite, ce qu'elle voulait, c'était une scission complète, et tout projet capable de la consommer avait d'avance son agrément. En parallèle, Chapuis, qui était l'ambassadeur de l'empereur espagnol dans la cour d'Henri VIII, l'a nommée cause et principale nourrice de l'hérésie. Bon, après, tout ça a malgré tout mis du temps à se mettre en place, dû à de nombreux obstacles. Le roi avait encore beaucoup d'attaches au catholicisme. Il avait notamment peur de créer des incidents diplomatiques. Au début de ces années, la plupart des personnes qui l'entouraient trouvaient ses idées hérétiques. C'est après petit à petit que son entourage a commencé à se transformer. Anne et ses proches finiront par gagner la bataille spirituelle, puisqu'en 1532, Thomas Cranmer, un réformateur, a été nommé archevêque de Canterbury sous l'influence d'Anne. Et c'est lui qui a prononcé le divorce entre Henri VIII et Catherine d'Aragon le 23 mai 1533, ce qui a permis au roi d'officialiser son mariage à Anne 5 jours plus tard, puisqu'il s'était marié en secret un petit peu avant ça. Sachant qu'elle était déjà enceinte, en fait. Donc voilà, fallait se dépêcher un peu, mettre tout ça en place, de façon à faire en sorte que leur enfant soit légitime. En 1534, Henri VIII fut officiellement nommé à la tête de l'Église d'Angleterre. Avec ses alliés au pouvoir, notamment Thomas Cromwell, Anne a pu lancer une vraie réforme religieuse dans le pays. Elle faisait de même dans son entourage, en mettant la Bible de Tyndale dans sa chambre et plus globalement en prônant cette nouvelle façon de penser. Alors, comme souvent à l'époque, il est toujours assez compliqué de voir la réelle influence d'Anne Boleyn puisque cela se faisait surtout derrière des portes, à travers des conversations privées entre elle et le roi, en poussant certaines idées ou que certaines personnes soient nommées. Et puis, comme à l'époque, religion et politique étaient deux faces d'une même pièce, son influence a pu se ressentir sur d'autres points. Par exemple, elle a réussi à faire en sorte d'écarter du pouvoir des conseillers les plus proches du roi et avec le plus de pouvoir dans le pays. À leur tour, Cardinal Wolsey et Thomas More, tous deux ayant occupé le poste de premier ministre de l'époque. Les deux étaient très proches d'Henri VIII, avant même qu'Anne Boleyn soit à la cour anglaise. Et Henri VIII, connu pour être influençable et pour, quand il était plus jeune, ne pas trop s'intéresser aux affaires de l'État, il voulait surtout faire la fête, aller chasser, etc. Il suivait la politique de Wolsey. C'était la personne la plus proche du roi et bien évidemment catholique. Il était dès le départ un ami d'Anne. Dès le début, il s'est opposé au divorce avec Catherine par peur des problèmes que cela causerait avec le Vatican d'une part, mais aussi parce qu'il se rendait compte de l'influence qu'Anne pouvait avoir avec le roi, contrairement à Catherine. Mais quand il s'est rendu compte que le roi était vraiment sérieux vis-à-vis du divorce et par peur d'être mis à l'écart, il s'est efforcé de le rendre possible. Et donc, finalement, lui et Anne ont formé une alliance au début et jusqu'en 1529 à peu près, où dans une lettre, elle exprime son fort mécontentement envers les résultats qu'il aura obtenus. C'est-à-dire, pas ce qu'il voulait, en fait, pas le divorce. Et donc, c'est possible qu'elle ait un peu convaincu le roi que le cardinal faisait exprès de rendre la procédure plus lente et qu'il n'agissait pas dans son meilleur intérêt. La même année, il a donc été écarté de ses missions et plus tard, dans la même année, accusé de trahison. Un indice qui pourrait prouver le pouvoir qu'Anne avait a été la dernière lettre que Wolsey lui a envoyée, en lui plaidant de le pardonner et de parler au roi pour qu'il change d'avis. Finalement, il sera décédé soit de son âge, soit d'une maladie, avant de pouvoir être jugé coupable de trahison. Ensuite, c'est Thomas More qui l'a remplacé, et il a peu de temps après subi le même sort. Donc c'est suite à ces événements qu'Anne arrive à faire en sorte que Cromwell soit nommé Premier ministre, et donc à mettre en place les réformes mentionnées auparavant. Alors, du côté diplomatique, Anne Boleyn, ayant pendant longtemps vécu à la cour française et connaissant personnellement le roi François Ier, avait également insisté pour qu'il y ait une alliance entre la France et l'Angleterre, ce qui a fonctionné au début. Sauf que le roi était très religieux et s'opposait au divorce, malgré le soutien apporté à Anne Boleyn à d'autres occasions. Faut dire, il y a dans tout ça à nouveau des questions diplomatiques à prendre en compte. Donc, pendant un moment, il a tout de même servi d'intermédiaire entre le Vatican et Henri VIII, afin que ce dernier ne se sépare pas de l'Église. Et finalement, Cromwell et Anne ont réussi à convaincre le roi de ne pas se laisser faire face aux Français, détériorant petit à petit les relations avec le pays. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, ça reste dur de connaître concrètement le pouvoir qu'Anne Boleyn a eu, aussi puisque d'un côté, la plupart de ses possessions étaient brûlées, et d'un autre, comme je l'ai mentionné au début, le pouvoir d'une femme restait limité malgré tout. Puis sûrement très influencée par sa famille, parfois même sous des ordres de sa famille peut-être. C'est un petit peu difficile de savoir au début comment les choses se sont réellement passées, quelle influence elle avait vraiment, pourquoi elle rejetait vraiment les avances du roi au début. Est-ce que ça venait de sa famille? Est-ce que ça venait d'elle? Est-ce qu'il y avait un mélange des deux? Ou sa famille voulait qu'elle soit proche du roi parce que même en tant que maîtresse, il y avait toujours de nombreux avantages pour la famille. Donc il y a tout plein de facteurs à prendre en compte et c'est sûrement un mélange de tout. Mais ça reste quand même très très probable qu'elle soit réellement tombée amoureuse du roi plus tard. Probablement pas au début, mais plus tard, à force de garder ce lien avec le roi, il n'y avait probablement pas que de l'ambition politique et religieuse. Anne, malgré son statut de femme, a su avoir le pouvoir qu'elle voulait. Et c'est d'ailleurs en partie pour cette raison que le roi s'est petit à petit désintéressé d'elle. Elle était connue pour son tempérament et pour dire ce qu'elle pensait ouvertement. On cumule ça avec les morts de Wolsey et de More, que le roi commençait à regretter, notamment quand la guerre civile a éclaté. Le fait qu'elle ne lui ait pas donné de fils, puisque pendant leur mariage, elle n'a accouché que d'une fille ayant survécu. Et puis tous les ennemis qu'elle s'était fait, sa chute semblait inévitable. Et donc le 19 mai 1536, elle a été condamnée à mort par décapitation, jugée coupable d'adultère et d'inceste. Il faut tenir en compte que ces accusations ont probablement été fabriquées. C'était une femme très ouverte et qui s'exprimait beaucoup et qui avait sa façon d'être, ce qui parfois pouvait ne pas être très bien vu par tout le monde, et ce qui a pu débuter ce genre de rumeurs, ou c'est des rumeurs qui ont pu être fabriquées pour faire en sorte que le divorce puisse avoir lieu. Mais en tout cas, il faut se rendre compte et remettre en perspective, il aurait fallu qu'Anne Boleyn soit très bête pour, en tant que reine, tromper le roi. Enfin, voilà, faut quand même s'en rendre compte. Et puis l'inceste, enfin bon, voilà. Alors, ce qui reste assez ironique dans tout ça, c'est que Henri VIII avait réussi à avoir un fils avec sa femme suivante, Jane Seymour, qui est décédée pendant l'accouchement. Son fils, Édouard VI, a été roi à 9 ans pour ensuite mourir d'une maladie à 15 ans. Mais il a été le premier roi à être élevé en tant que protestant. C'est ensuite Marie Ier, fille de sa première femme Catherine, extrêmement catholique, qui l'a suivi, malgré les efforts d'Édouard de la retirer de la lignée. Surnommée Bloody Mary à cause du massacre de protestants à travers le pays, elle est arrivée au pouvoir en 1553 et elle y était restée pendant 5 ans jusqu'à sa mort en 1558, à 42 ans d'une maladie. Elle fut enfin suivie par la dernière fille légitime d'Henri VIII, Élisabeth Ier, fille d'Anne Boleyn, arrivée au pouvoir à 25 ans et qui a régné pendant 45 ans. Et elle a poussé et abouti la réforme protestante dans le pays. Elle a eu une énorme influence dans le pays, et c'est une reine qui est restée mémorable et sur qui on écrit encore de nos jours des livres et des films. Ne s'étant pas mariée et n'ayant pas eu d'enfant, elle est aussi la dernière de la lignée des Tudors. Bon, je suis désolée de m'être un peu trop étalée sur ce sujet, mais c'est une question qui me passionne. À des moments, c'était peut-être confus, puisque j'avais toujours envie de rajouter plus de détails. Et puis, je suis un petit peu biaisée, c'est vrai. Mais je fais cet épisode après avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup lu sur la question au fil des années. Et donc, malgré le fait d'être biaisée, je pense vous avoir donné tous les faits pour vraiment connaître l'histoire.